deuxième temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'année 1967. C'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, le documentaire. Hier, nous vous avons parlé de deux événements qui ont marqué les relations internationales en 1967, la guerre des six jours et la mort de Che Guevara. Demain, nous partirons du côté du cinéma et politique, en nous intéressant à la sortie en salle en 1967 de Loin du Vietnam, un film sur la guerre du Vietnam, bien évidemment, vu par les cinéastes français de l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un texte secret, un texte écrit en 1967, mais publié beaucoup plus tard, qui est au cœur du document de ce matin. Il est signé Charlotte Delbault. Charlotte Delbault est revenue des camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale et a écrit en 1967 un texte dans lequel elle tente de faire se rencontrer une rescapée des camps nazis comme elle, une sorte de double, et un Allemand. Ce texte s'intitule « Ceux qui avaient choisi » et il a profondément marqué un jeune metteur en scène, Boris Hirschboin, qui ces temps-ci monte ce texte. Donc, et nous avons suivi avec Anaïs Quien et Anne Fleury la préparation de cette mise en scène. Aujourd'hui, le documentaire d'Anaïs Quien et d'Anne Fleury jusqu'à 10h dans La Fabrique de l'Histoire avec Boris Hirschboin et les comédiens de Ceux qui avaient choisi, Olga Grimbert, Rainer Sievert, Louvre, Rinich Laroche et Gabriel Pérez. La contre-escarpe pour assister ce soir à Ceux qui avaient choisi. Sachez que la semaine prochaine, le spectacle est prolongé lundi, mardi et mercredi. Et sur ce, bonne représentation à vous tous. Merci. En scène avec Charlotte Delbault. Ceux qui avaient choisi. Des massacres, l'humanité, l'histoire de l'humanité en est pleine, mais de nos jours, il fallait pour qu'ils arrivent à la conscience, c'est-à-dire qu'ils soient portés au langage, qu'ils entrent comme un fait d'histoire, un fait de culture. Alors, le porter à la scène, ça paraissait peut-être, en tout cas il y a si peu d'exemples où ça a été fait, ça devait paraître une entreprise difficile. Et pourtant, c'est celle qui m'est venue à l'esprit assez simplement parce que c'est à la scène qu'on entend les paroles proférées. Et dans la lecture, on est seul, on relit, on peut être touché par les mots. On est moins atteint, me semble-t-il, c'est-à-dire que dans la lecture, on a des mots et à la scène, on a des paroles. En 1941, Charlotte Delbault est en tournée en Amérique latine avec la troupe de Louis Jouvet qu'elle assiste dans ses mises en scène. Rentrée à Paris pour s'engager dans la résistance, elle est arrêtée et déportée alors que son mari, Georges Dudac, est fusillé au Mont-Valérien en 1942. À son retour des camps, elle écrit, ou plutôt elle élabore, une œuvre littéraire de témoignage de grande envergure. Mais ces textes paraissent seulement 20 ans plus tard. Selon Charlotte Delbault, il fallait attendre que les Français soient prêts à les lire. En 1967, après le procès à Eichmann, alors que la France semble confortablement installée dans ses Trente Glorieuses, elle imagine une rencontre intitulée « Ceux qui avaient choisi ». Ça démarre 20 ans... une vingtaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Athènes, une terrasse d'un café. Une femme lit, et puis un homme s'approche d'elle, lui adresse la parole, et ils se mettent à discuter. Et donc c'est un démarrage de discussion à la fois de vacances, mais assez vite intellectuelle, assez vite sur le sujet de la guerre, parce qu'elle va dire très vite, cette femme, qu'elle a été déportée. Lui est allemand. Et elle lui raconte un souvenir. Et au lieu qu'elle le raconte, théâtralement, ça prend la forme d'un flashback. C'est comme ça que c'est écrit. On se retrouve en 42, un matin de mai 42, dans une cellule de prison. Une jeune femme, un jeune homme. Et on comprend très vite que ce sont leurs adieux. Que lui va être fusillé, ce sont deux jeunes résistants, il va être fusillé, ils ont quelques instants, ils savent même pas combien de temps ils ont pour se dire au revoir, pour se dire adieu. Puis quand on sort du flashback, on est de retour à Athènes avec cette femme, cet homme plus âgé, cet Allemand, cette Française, et la rencontre entre ces deux-là se poursuit et est à la fois animée d'enjeux politique, historique, mais c'est aussi un moment de drague. C'est aussi un moment de séduction. Voilà. Et que vont-ils se dire, cet homme qui est allemand et qui a été dans l'armée hitlérienne, cette femme qui était résistante, qui a été déportée, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se raconter ? C'est ça la pièce. Cette histoire, Boris Hirschbaum l'a choisie pour sa première mise en scène. Quatre comédiens s'emparent de cette rencontre, imaginée par Charlotte Delbault il y a 50 ans. Je me suis rendu compte en travaillant que c'était un projet impossible. Enfin, ça touche à l'impossible du côté de ce dont ça parle, parce que Charlotte Delbault y met tellement de sa vie, je dirais, elle l'a écrit après la déportation. Souvent d'ailleurs, quand on voit des spectacles autour de Charlotte Delbault, il y a une grande gravité. Et on est rattrapé par ça tout le temps. On est rattrapé par la gravité du sujet, on est rattrapé très facilement par la beauté de l'écriture. Alors que c'est un message très puissant, très simple, qu'en plus de ça, Charlotte Delbault, c'était, il suffit d'entendre sa voix, c'était la gouaille. Elle parlait comme ça, elle avait la voix là, d'Arletty. Très élégante aussi comme femme, mais une gouaille incroyable. Donc voilà, comment faire tout ça ? Comment avoir de la liberté au plateau qui se rapproche un peu de sa liberté à elle ? C'est un peu ça l'enjeu. Alors que dans la pensée, ça n'est pas ça. Et on arrive, on va pouvoir travailler. Il faut trouver une place. Décharger le matériel qu'il y a dans la voiture. On va trouver. Je les connais. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'un des co-auteurs de ce livre, Dr. Werner Riedermeier, professeur d'histoire grecque à l'université de Göttingen. Enchanté. C'est une réédition récente. Puis-je vous demander si vous voulez le procurer ici, à Athènes ? Non, je l'ai acheté à Paris avant de partir. Vous êtes française ? Oui. J'aime beaucoup la France. J'y ai séjourné souvent, en Touraine et à Paris surtout. Vous êtes de Paris ? Oui. Paris. J'ai beaucoup d'amis, ou plutôt j'en avais beaucoup, avant la guerre. Qui sait ce qu'ils sont devenus ? Je n'ai pas encore eu le courage de m'en enquérir. J'étais en relation avec le professeur Charles Picard, l'ancien directeur de l'école française à Athènes. Peut-être le connaissez-vous, au moins de nom, puisque vous vous intéressez à l'art grec. Je l'ai connu, en effet. Je connaissais bien sa fille, Yvonne. Et vous, madame, connaissiez-vous l'Allemagne ? Y êtes-vous allée ? Oui, à Auschwitz. Oh, madame. Je connais aussi Ravensbrück. Pardonnez-moi, madame. Vous étiez à Auschwitz, madame. Oh, madame. Auschwitz. Et vous me parlez. À moi, un Allemand. Oh, madame. Et vous me parlez. Ce n'est pas moi qui vous parle, c'est vous qui m'avez adressé la parole et voulez à tout prix me parler. Vous me parlez, vous me répondez, et vous n'avez pas envie de me tuer. Vous tuer ? Je ne suis pas outillée pour cela en ce moment. Mais vous le feriez. Non, je ne confonds pas Allemands et Hitlériens. Tous les Allemands sont des Hitlériens. J'en ai rencontré dans les camps qui ne l'étaient pas. Tous les Allemands étaient nazis. Tous ont voté pour Hitler. Hitler a été porté au pouvoir avec les voix des Allemands. Par intérêt, par conviction ou par lâcheté. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils n'étaient pas hitlériens. Aucun ne l'était, à les en croire. Aujourd'hui, ils disent que Dachau, Auschwitz, Mauthausen étaient des mots inconnus d'eux, qui les ont entendus pour la première fois en 1945, avec l'accent américain. Oui, c'est difficile d'être allemand aujourd'hui, plus difficile qu'il y a 20 ans, quand la force voit les raisons. Difficile d'avoir honte et de vivre honteux. De ne pas avoir le courage d'endosser la honte les rend abjects. Je ne savais pas. Das wusste ich nicht sont devenus les mots les plus usés de la langue allemande. Racontez-moi un peu votre personnage, Werner. Ou alors Werner, ah oui, il est un peu compliqué parce que c'est donc il est spécialiste de l'histoire grecque et là il a 50 ans, donc comme moi, donc ça tombe bien. Donc à l'arrivée de Hitler au pouvoir, il dit il n'avait pas 20 ans, donc c'est pas lui qui a participé aux élections. Et il dit que pendant les premières années de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il a rien vu. Les choses qu'il a vues, ils apparaissent pas dans sa conscience, quoi. Par contre, lui, il part en Grèce. En plus, il est affecté en tant que soldat, parce qu'il va quand même être soldat à certains moments. Et il fait les 4 ans et demi de guerre, il est fait. Et le retour, donc en 1945, dans l'Allemagne détruit, il se prend tout dans la gueule, comme on dit, en 1945, ce qui l'amène apparemment dans une dépression assez grave et qui n'arrive plus vraiment à travailler. Et c'est ce qu'il va raconter à cette déportée qui est Françoise, 20 ans après. Là, on est en 1965, donc il aborde cette femme et il s'avère que dans la discussion, il est extrêmement maladroit. Il parle vraiment beaucoup, comme quelqu'un qui est apparemment très seul dans sa vie. Et il pense qu'il faut qu'il raconte tout à cette femme qui lui dit assez rapidement qu'elle a été déportée à Auschwitz, qui lui montre son numéro, ce qui le bouleverse, parce que c'est la première fois qu'il rencontre une personne qui est rescapée d'Auschwitz. C'est-à-dire c'est vraiment comme des lapsus ou des... Olga Grimbert. Des accidents ou des choses qu'il ne faut pas dire, que les personnages... sortent comme s'ils rotaient, comme s'ils pétaient. Enfin, vraiment un truc qui sort de... Et ça a l'air, au contraire, très, très écrit, très soigné, très, très bien dit. Et en même temps, c'est d'une grossièreté, d'une indécence par moment qui fait que la rencontre a lieu là où, a priori, elle ne pourrait pas avoir lieu, c'est-à-dire entre une survivante d'Auschwitz et un Allemand en 1967. Et si, à cause de votre connaissance de la France et du français, vous aviez été envoyé à Paris, à la Propagandastaffel, par exemple, qu'auriez-vous fait ? Je ne sais pas. Quoique soldat, on voit les choses autrement. On devait être content d'être à Paris plutôt qu'à Stalingrad. Je remercie le ciel de ne pas m'avoir mis dans cette situation. Paris, sous l'occupation, m'aurait été pénible. Athènes, sous l'occupation ? Oui. C'est pareil. Sous l'uniforme du soldat hitlérien, dans les lieux où sont nées la beauté et la sagesse. J'en étais gêné les premiers temps. Mais quoi, tout le monde était en uniforme ces années-là, et j'ai pris l'habitude de mon uniforme comme d'un vêtement à moi. C'est cela le vice, qu'on s'habitue, qu'on fasse sienne malgré ses répugnances, des choses détestées, des choses imposées. Plein de gens, ils l'ont vécu comme ça, la guerre. Hein. Plein de soldats qui sont partis en France, ils l'ont vécu comme des vacances. Hein. Rainer Sievert. Après, ça s'est corsé, mais ils étaient contents de partir voir du pays. Hein. Aussi bête que ça, par moment. Ils étaient contents, en plus, ils étaient en tant que gagnants, victorieux, d'arriver dans un pays. Il y a plein de jeunes gens qui étaient contents de voyager. Hein. De mon père, je le sais, ça. Il est parti à Prague, à l'opéra. Ils étaient extrêmement contents, ces jeunes gens. Vous dites que... À un certain moment, vous vous êtes méfié du personnage que vous deviez interpréter. Ah oui. Oui, parce que tout est ambigu. Déjà, parce que s'il a fait ses études à Göttingen, là, il y a un vrai problème, parce que Göttingen, c'est une des universités où les étudiants fascistes étaient les plus engagés. Et s'il a fait ses études là, je ne vois pas très bien comment il peut dire qu'il n'a rien vu. Ce qu'elle dit d'ailleurs, Françoise Charlotte Delbo dans la pièce. Tout le monde est parti de l'Allemagne, tous les intellectuels, les livres d'histoire ont été falsifiés, ça, vous aurez pu le savoir. Ouais. Mais lui, il dit quand même qu'il n'a rien vu, ce qui m'étonne énormément, quoi. Certainement, moi, je me suis dit, oui, peut-être il est en train de tout inventer, quoi. Mais du coup, ça aurait été tellement, du coup, on partirait vraiment vers un espèce de pervers narcissique terrible, et ça aurait faussé un peu toute la pièce, je crois, mais elle a eu raison de l'écrire comme ça, Charlotte. Ce dialogue est très douloureux, parce que, pour le coup, vous tentez de vous comprendre tous les deux, malgré tout. Alors, c'est marrant, moi, peut-être je me protège énormément, mais je ne sens pas... Enfin, je ne suis pas sur l'axe de la douleur, pratiquement pas, pour travailler le texte. C'est comme si j'avais fait un travail à la table constant... du fait de ma vie, de là où je suis née, des discussions que j'ai eues, des amis que j'ai, enfin du fait d'être baignée dans la mémoire, on va dire, de la déportation. Et c'est comme si, à partir du moment où je me suis engagée à travailler sur le texte, j'avais mis, pas ça de côté, mais disons que je m'accroche surtout à l'allemand, justement, surtout à l'autre, et donc plutôt à l'histoire d'amour éventuelle, entre un homme et une femme, qui ont vécu presque le film à l'envers, quoi, l'une par rapport à l'autre. Mais c'est bizarre, je sais qu'il y a de la douleur, mais je ne sais pas, je me suis presque acharnée à ne pas être dedans. C'est plutôt de l'ordre de la jouissance d'une femme qui rencontre quelqu'un à qui elle peut parler. C'est quand même l'étonnement de voir en face quelqu'un qui pense tellement à pas comme elle, et qui a des arguments, et que c'est ça qui la fascine. Parce que c'est une intellectuelle, c'est quelqu'un de séduit par les mots. Or, le type en face, il connaît Apollinaire, il connaît Victor Hugo, il connaît la langue française, il a des thèses sur le nazisme, sur le communisme, qui sont pas du tout débiles. Elle est obligée de le reconnaître. Et pour moi, c'est ça qui me semble fascinant, et c'est là-dessus que je me suis probablement axé le plus, c'est la joie qu'elle a à être dans l'action, quoi. Et là, c'est dans les mots. Donc, pour moi, c'est plus ça que la douleur, quoi. Et votre personnage, Werner, a une canne. C'est écrit dans la pièce de Charlotte Delbo ? Non, c'est pas écrit dans la pièce de Charlotte Delbo. Alors, comment est arrivée la canne ? C'est une très bonne idée. Comment elle est arrivée? Je ne sais pas. Cette canne est une canne de la maison familiale de Boris, je crois, qu'on a trouvée là. Cette canne, elle arrive aussi un tout petit peu parce que, il y a 17 ans, j'ai joué dans une pièce de théâtre à Dijon. C'est la première fois que je jouais à un officier allemand. C'était une pièce d'un metteur en scène qui s'appelle Jean Maisonnave. Et c'était Le silence de la mer, de Vercors. Et le personnage du silence de la mer, ce qui m'avait vraiment... Il s'appelle Werner von Ebernach. Et lui, il boite. Et c'est pour ça qu'il est envoyé en France, hein, il est francophile, il est officier, envoyé dans ce village, parce qu'il a une blessure de guerre, je crois. Et je pense que Charlotte Delbo, bien sûr, elle connaît très très bien ce texte de Vercors, qui était un des premiers textes de résistance, qui raconte l'histoire d'une jeune fille et son oncle, qui, la seule façon qu'ils opposent à ce commandant qui arrive à vivre dans leur appartement, dans leur maison, c'est le silence. Il lui parle pas. Mais lui, il descend tous les soirs raconter la beauté de cette espèce d'unité franco-allemande qu'ils allaient construire ensemble avec Hitler et tout. Ça va être formidable, tout ça. Et il y a le silence. Et Werner, il boite. Werner, bien sûr, lui, il joue du piano, la jeune fille joue du piano et tout. Et à un moment, Werner, il part à Paris voir des amis qui sont haut placés. Et ses amis, ils sont des SS. Il revient, il est complètement choqué parce qu'il comprend que ça va pas être l'amitié franco-allemande comme lui, il a rêvé, entre B. de von Goethe et les auteurs français. Nous, on a la musique, vous avez les auteurs. Donc il est complètement démoralisé, il part se faire tuer en Russie, je crois. Et il demande à cette jeune femme au moins un mot, ce qu'elle va faire d'ailleurs. Et je pense que Charlotte Delbo, elle connaît très bien ce texte. Et à mon avis, je pense, d'une certaine façon, elle a écrit une espèce de suite, 20 ans après, comment agir face à des Allemands qui n'ont rien fait, en guillemets. Parce que Werner, probablement, il n'y a rien fait. même si on ne le sait pas, mais la campagne en Grèce, à la fin, c'était terrible. Hein. Il y a eu des exactions, même de la Wehrmacht dans les villages. On le sait aujourd'hui, ce n'était pas forcément des SS. S'il a participé pas, ou pas, on ne sait pas. On va dire que non, mais même s'il n'a rien fait, mais on fait quoi? Comment on parle avec ces Allemands-là? Je trouve qu'elle a écrit une espèce de suite. Et du coup, moi, je me suis dit, ouais, je vais reprendre la jambe un peu boiton de M. Ebrenac, qui est décrit avec cette espèce de même le romantisme allemand, quoi. Des gens qui n'ont pas envie de voir les choses comme ils sont. C'est vrai que Rainer, du coup, il avait plein de trucs à nous apprendre, et puis ça libérait, je pense, beaucoup notre analyse du personnage de Werner aussi. Parce que nous, on l'analyse en tant que Français. Louve, Rainich, Laroche. Et que lui, il est beaucoup plus dur, en fait, avec Werner que nous, on l'est. C'est-à-dire que nous, on a une tendresse pour Werner que lui n'a pas du tout, du tout. Il y a plein de trucs qu'il supporte pas dans le personnage. C'est un peu une pièce de pardon pour les Français, pas forcément pour les Allemands, quoi. Et du coup, c'est marrant d'avoir le point de vue, justement, autorisé par Rainer, tu vois, sur certaines parties du discours de Werner, qui se cherche des excuses, qui machin. Et lui, il est tellement dur avec ça que ça le saoule, en fait. Il défend pas du tout son personnage, ce qui est quand même un truc qu'on nous dit vachement de faire, tu vois. Quand on prépare des rôles, faut toujours trouver quelque chose quelque part où tu le sauves pour pouvoir l'incarner. Si toi, tu le défends pas, que tu trouves que c'est juste un gros con et que tu crois à rien de ce qu'il dit, c'est un peu compliqué, quoi. Je pense que si la réaction est aussi en refus par rapport à Werner, c'est aussi parce que ça renvoie à des trucs d'aujourd'hui pour nous et que se poser la question de notre incapacité à être actif dans le temps dans lequel on évolue, c'est un peu dur, en fait, de se confronter à cette question-là, quoi. Les SS étaient volontaires, je crois. Aujourd'hui, ils voudraient accréditer le contraire. Comme ils prétendent qu'ils n'étaient au courant de rien. Et c'est bien cela qui fausse tout, qui corrompt la paix. Hitler a été plébiscité par 90% des électeurs en août 1934. Cette question a été souvent débattue. De la folie qui s'empare de tout un peuple, expliquée par les économistes, les politiques, les psychologues, les sociologues, les germanistes, elle n'a pas été élucidée. Pour autant, on voudrait comprendre. 90%. Songez-y, madame. Vous étiez dans les 10%, dans les autres, évidemment. Vous dites évidemment. Je vous demande pardon. On dirait que ces 10% ont été habilement réservés par un politique prévoyant pour permettre ensuite à tout Allemand de dire qu'il n'était pas dans la majorité, qu'il n'était pas dans les 90%. Comme lorsqu'on distribue les armes au peloton d'exécution, l'un des 12 fusils est chargé à blanc, selon la tradition, afin que chacun des 12 hommes du peloton puisse ensuite se persuader qu'il est celui qui n'a pas tué ou s'abriter derrière ce doute. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi me dites-vous cela, à moi? La troupe s'apprête à jouer pour la première fois au théâtre de la Contrescarpe, à deux pas du dernier endroit où vécut Charlotte Delbault, rue Lacépède. Petit pèlerinage avec Boris Hergebohn, le metteur en scène, et deux des comédiens, Louve Rainich Laroche et Gabriel Pérez. Je suis en train de me demander si c'est pas la dame qui était là quand j'étais enfant, et c'était la dame au pigeon, mais elle était déjà très âgée, c'est pas elle, c'est pas possible. Parce que j'étais à l'école dans cette rue Rollin. Moi, je reviens un peu sur les lieux du crime, quand même. Là, c'est la crèche de ma nièce, et puis après, chaque immeuble, il y a des immeubles de camarades de classe, de maternelle et de primaire. Donc, c'est vraiment marrant. L'immeuble où habitait Charlotte Delbault, c'est cet grand immeuble moderne, années 70. Et elle habitait donc apparemment au 7e étage. J'ai appris qu'elle avait... Elle a acheté sur plan. Elle a acheté avant que ce soit construit. Trois numéros plus bas, c'est chez moi. Le balcon au 2e avec toutes les plantes, ça a été chez moi pendant 27 ans. En face de chez Charlotte Delbault, ce qui est quand même assez improbable. Et elle est où la plaque? Je sais pas. Ah voilà, la plaque est là-bas. Une plaque toute neuve. Charlotte Delbault, 1913-1985, femme de lettres, résistante déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau, puis à Ravensbrück, vécu ici de 1960 à 1985. Il y en a une qui nous dit « Combien êtes-vous ? 230 ?»« Oh, vous ne serez plus 100 la semaine prochaine. » Oh, nous sommes dit « Celle-là, elle est payée pour nous démoraliser. Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Elle dit « Pourquoi ? On va nous tuer ?» Elle me dit « Non, mais on meurt. » »« On meurt ? On meurt comment ? Comme ça ? » ?»« Oui, à cause de la pelle. » »« Oh, alors, pourquoi est-ce qu'on meurt à cause de la pelle ? » ?»« Ben, parce qu'on reste debout pendant 5 heures, tous les jours, le matin, et puis 2 ou 3 heures le soir. » Et parfois toute la journée. Alors nous qui étions solides, une qui était coiffeuse, je me rappelle, à côté de moi, dit « Ben moi, je travaille debout toute la journée, je peux bien rester debout. » Ah ben oui, mais ça n'était pas pareil. Du coup, tu vivais vraiment en face de Charlotte Delbault, elle était là à ce moment-là. Ah oui, oui, oui. On a été voisins. Donc tu l'as croisée tous les jours. Je l'ai croisée souvent, je pense, mais j'ai... Quand j'ai vu sa photo, ça ne m'a pas du tout rappelé quelqu'un. Elle ressemblait à quoi ? Charlotte Delbault, sur les photos, une femme assez sophistiquée, brune, un visage très dessiné, un visage fort, un menton prononcé, pas des petits traits fins, de petites gonzesses. Une femme très... Oui, avec des traits très affirmé. Moi, j'ai surtout les photos d'éclats de rire qui m'ont marqué. Parce qu'il y a beaucoup de photos, enfin, il y a une photo un peu qui est utilisée beaucoup de fois où elle a un énorme éclat de rire et il est assez chouette. Elle a l'air d'être une très très bonne vivante quoi, sur cette photo. Du coup, ça raconte un peu tout ce qu'elle dit, quoi, tout ce qu'elle dit sur la vie en une photo, je trouve. On a envie de la connaître. Et toi, Gabriel ? Oui, sur une des photos qu'on voit dans le bouquin Flammarion, là, on la voit très, très élégante. Une élégance et en même temps une sorte de brutalité dont parlait Boris, les traits anguleux et tout ça. Mais un grand soin de sa tenue. Apparemment, quand elle est revenue, après une période de grande léthargie post-traumatique, quoi, elle prenait vraiment du temps pour se faire à manger et pour avoir des tenues très belle, très simple, mais très très élégante. Et je trouve que ça, c'est très sensible sur les photos. Ouais. Françoise. Paul. Je t'attendais sans croire. C'est toi ? Oui, pas de moi. Je t'attendais sans croire que ce puisse être vrai. J'ai tant rêvé de toi que je ne suis pas sûre encore. C'est moi, Paul. Oh, Françoise, j'ai pourtant reconnu ton pas. Est-ce bien toi ? Oui, Paul, c'est moi, Françoise, ma Françoise. Tu es là. Paul, que... qui... Ils nous ont dit que nous étions otages. Quand ? Hier au soir. Quand ? C'est pour ce matin. Pour tout à l'heure. Oh, Paul. Françoise. Tu le savais, n'est-ce pas ? Tu le savais du premier jour, depuis que nous avons été pris. Oui, Paul, on croit savoir. Ce matin. Tout à l'heure. Ce côté-là, d'avoir la force pour deux, c'était un truc que je voyais pas au début. Moi, je voyais juste un effondrement absolu et sauf que travailler sur ce truc de... En fait, on ment tout le temps dans la vie. que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais c'est un besoin, et dans les relations, beaucoup aussi, pour protéger l'autre, beaucoup. Enfin, en tout cas, là, c'est le cas. Pour maintenir aussi une image de soi, enfin, face à l'autre, pour garder de sa superbe, surtout pour les derniers souvenirs et tout ça. Cette force-là, cette espèce de stature, d'être un soutien, d'être un pilier, tout ça, c'était quelque chose que j'avais vachement moins, quoi. À la première lecture, j'étais beaucoup plus sur le côté écrasant de... Enfin, voilà, des adieux, quoi. Et j'ai vachement appris ça, de retenir les émotions, que ça soit à la fois montré au public, mais pas montré à lui, que ça soit... Enfin, c'est hyper délicat, quoi. Même le rapport physique, il n'est pas forcément possible tout le temps, parce que sinon, on resterait collé pendant cette scène et on ne parlerait juste pas, parce que des adieux ne nécessitent pas forcément des paroles, mais sauf que ça ferait juste un tas qui s'écrase et qui n'existe plus que par l'autre et qui s'effondre et qui... Enfin, voilà. Et je pense qu'ils ont tous les deux besoin de tenir quelque chose, quoi. De eux à eux, dans une espèce de solitude, même s'ils sont à deux, quoi. Il y a deux tonalités de langage très différentes entre la partie qui se passe à Athènes dans les années 60 et notre partie qui se passe dans les années 40. Gabriel Pérez. Dans notre partie, le langage est beaucoup plus châtié, beaucoup plus soutenu. On a des « oh Paul, oh Françoise ». En fait, il me semble que cette écriture particulière, donc vraiment qui s'oppose à l'autre partie, dans laquelle il y a beaucoup plus de, effectivement, d'éléments d'oralité, éléments de langage quotidien, dans la nôtre, il n'y en a pas. Et je pense que ça donne vraiment un statut particulier à cette scène qui est une scène qui surgit de la mémoire, qui s'appelait auparavant une scène jouée dans la mémoire pour l'adaptation radiophonique. Ça a à voir avec la difficulté de se souvenir, je pense, pour Charlotte Delbo, parce qu'elle parle beaucoup de ça, de la difficulté de l'oubli, ou de ne pas oublier, mais elle dit quelque chose comme « se souvenir, c'est déjà oublié ». Je pense que d'avoir voulu reconstituer cette scène dans un langage un niveau de langage plus élevé, participe d'une volonté de reprendre pied sur la mémoire, ou je ne sais pas comment dire, mais redonner des briques plus solides pour se souvenir et pour faire exister ce souvenir qui s'enfuit. Je relisais un petit peu « Spectre, mes compagnons » de Charlotte Delbo, et alors est-ce que je vais retrouver pile poil ?« G devait mourir » et moi je devais l'oublier en luttant à chaque heure contre l'oubli. Mais en sachant que puisque je mangeais, j'oubliais, puisque je respirais, j'oubliais, puisque je pensais à ce que serait demain, j'oubliais. Il y a à la fois cette fuite du temps et à la fois ce souvenir qui reste. « Spectre, mes compagnons », c'est le texte de Charlotte Delbo, c'est les personnages de fiction qui l'accompagnent, c'est les morts qui l'accompagnent et qui resurgissent dans les moments les plus inattendus. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que dans la dernière partie de la pièce, Boris a fait ressurgir, réapparaître le spectre des personnages, dont le mien. Je sais que tu es brave. Je sais que tu sauras vivre sans moi. Il faut que tu vives, toi. Je ne sais pas, Paul. Toute ma vie s'engloutissait et je ne voulais pas lui montrer que j'avais mal, que la douleur qui me serrait devenait insupportable. Si. Je sais que tu es brave. Françoise, nous avons lutté de tout notre cœur. Je tombe avant de toucher au but, mais toi... Tu verras la victoire. Et moi, je pensais que m'importe la victoire sans toi. Paul, nous n'avions jamais pensé que la victoire, ce serait cela. Si, Françoise, souviens-toi, nous le disions. Dire et savoir, quelle différence. Nous gagnons. Les nôtres se lèvent de tous côtés. Georges a réussi à avoir des nouvelles du dehors. Il recule. Partout. C'était faux. Les prisons sont toujours pleines de fausses bonnes nouvelles. En mai 1942, vous savez où étaient les armées hitlériennes? Elles avançaient partout. Elles atteignaient presque la Volga. La scène qui relate les adieux de la jeune femme au jeune homme dans la cellule, parce que lui va être fusillé quelques heures plus tard, il s'agit de Charlotte Delbault et de son mari, Georges Dudac. Donc, travailler sur une matière autobiographique, ça change quelque chose. C'est très touchant et on se dit qu'on rend hommage aussi. Boris Hirschbein. Je pense que j'ai été aussi touché chez Charlotte Delbault à la dimension d'effacement. Alors évidemment, elle a failli être effacée parce qu'elle a été déportée, et que donc ça fait écho à tout cet effacement-là, un effacement de l'humain. Mais même après ça, elle a, je vous disais, je ne m'explique pas qu'elle soit si peu reconnue en France, alors qu'outre-Atlantique, des dizaines de thèses ont été faites sur elle. Et ça aussi, c'est une enquête. Je me demande, il y a des gens qui me disent, ben oui, c'est une femme, donc nous sommes dans un pays très misogyne. Bon, c'est une explication, moi je ne suis pas sûr que ce soit uniquement ça. Il y a peut-être le fait qu'elle n'était pas du tout alignée. C'est-à-dire que le parti communiste, après la guerre, a mis en avant des figures de la résistance. Féminines aussi. Daniel Casanova, par exemple. Ils auraient pu mault en avant Charlotte Delbault. Je pense que Charlotte Delbault était quelqu'un qui était un esprit particulièrement iconoclaste. Et très tôt, elle a vu ce qu'était le stalinisme, très tôt elle est allée en Union soviétique, elle est revenue, elle a écrit un texte qui s'appelle « Un métro nommé Lénine ». Voilà, elle se laissait pas faire. Est-ce que Charlotte Delbault n'est pas aussi une victime trop joyeuse? Ah oui, ah oui, oui. Effectivement, elle refuse qu'on lui impose quelque chose, Elle est pleinement, elle se revendique, j'ai l'impression, elle le dit tellement, pleinement sujet. Et moi, c'est ça qui m'a touché. Parce que je trouve que ça peut toucher tout le monde, à tout niveau. Je lui ai dit que tu es beau. Il était beau de sa mort, à chaque seconde plus visible. C'est vrai que cela rend beau, la mort. Avez-vous remarqué comme ils sont, les morts, ces temps-ci? Comme ils sont jeunes et musclés, les cadavres de cette année? Elle rajeunit tous les jours, la mort, cette année. Un petit gars hier n'avait pas 19 ans. Je sais bien qu'il n'y a rien comme elle pour vous embellir un vivant. Rendre le visage de l'enfance... Lui était beau de sa mort à chaque seconde plus beau, qui allait se poser sur lui, plaqué à son sourire, à ses yeux, à son cœur tout battant, tout vivant, d'autant plus horrible qu'il était plus beau, d'autant plus horrible qu'ils sont plus jeunes et plus beaux, tous couchés côte à côte, beaux pour l'éternité, et fraternels, alignés, quand on moissonne l'homme comme l'épi. L'épi en sa saison, le grain mûr, l'homme en sa saison, à l'été de la révolte. Quand on couche l'homme comme l'épi, le regard en face de l'acier, poitrine offerte, poitrine crevée, cœur troué, ceux qui avaient choisi, c'est ce qui le faisait si beau d'avoir choisi. Choisi sa vie, choisi sa mort, et d'avoir regardé avant. C'était un matin plein d'oiseaux quand j'ai été de nouveau dans ma cellule, quand le jour s'est éclairé. Tous les oiseaux des jardins environnants se sont mis à chanter. Un unisson où dominait le sifflet d'un merle. Françoise. Pourquoi vous ai-je raconté cela? Je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne l'avais encore dit à personne depuis 20... Depuis 20 ans, 20 ans maintenant déjà. Pour me punir. Pour vous venger. Non, parce qu'on raconte ses secrets aux inconnus, c'est plus facile. Me venger, hélas. Vous pouvez vous venger sur moi. j'en serai encore heureux. Moi, je suis acharnée depuis le très tôt dans les répétitions. Olga Grimbert. Je suis sûre que le seul vrai danger pour cette femme, c'est cet homme. Ce n'est pas une engeance d'espèces voisines au national-socialisme qui réapparaîtrait. Ce n'est pas que son engagement qui la cloue ou qui l'anime. Je pense que c'est vraiment la rencontre avec cet autre en face d'elle, qui est complètement à l'inverse d'elle, un type qui a pensé à rien de tout ça, enfin, manifestement, pas beaucoup. Et avec qui elle pourrait retrouver une intimité? Bien sûr, et elle la trouve d'ailleurs, sinon ils ne se parleraient pas aussi longuement. Puis ils se disent des choses quand même très, effectivement, assez difficiles. En tous les cas, lui, sur, par exemple, là, je pense toujours à la réplique où il parle de son enfant, où il explique qu'il ne sait pas quoi dire à son fils, qu'il n'a jamais pu connaître son fils finalement. C'est comme si en une demi-heure, enfin en temps réel, ces deux personnes qui se rencontrent alors que tout, au bout de quatre mots, on comprend qu'ils ne pourront pas se parler. On croit qu'ils ne pourront pas se parler. Et vous, Rainer, donc si vous avez 50 ans aujourd'hui, vous êtes né dans ces années 60 où la mémoire de cette guerre revient en Allemagne. Oui, bah, je suis né alors trois mois après la rencontre là, entre Werner et Françoise sur la place, là, en juillet 65. Et moi, je fais partie des gens qu'on dit la deuxième génération d'après-guerre. Mon père, il est né en 24, ce qui veut dire que lui, il a participé à la guerre, il a fait la guerre les dernières années. Et là où on se joigne aussi avec le personnage de Werner, d'une certaine façon, il faisait partie de la haute bourgeoisie de province. Ma famille, c'était plutôt la petite bourgeoisie. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'en province, je pense que les choses se sont déroulées vraiment, on pouvait ne pas savoir. Quand il y avait des petits chefs de section, tout le monde se connaissait. Et je pense que c'était, même si c'était violent, c'était moins violent que dans les grandes villes. En tout cas, il s'est laissé embrigader très facilement en province. Donc, mon père, il faisait partie de cette génération qui, à partir de ses 9-10 ans, les tout petits jeunes, il faisait partie de la jeunesse hitlérienne. C'était une variété de Boy Scouts, ce qu'il dit d'ailleurs dans la pièce, Werner. Pour des petits garçons, voilà, on part à la campagne, on fait un peu, on fait du camping dehors. Tu vois, c'était une vraie offre de loisirs et d'une espèce d'activité pour ces jeunes garçons et jeunes filles aussi. Et à partir de ce moment-là, ils sont militarisés depuis le jeune âge, quoi. Et du coup, pour lui, c'était tout normal ensuite de, par exemple, d'arrêter son bac un an avant pour pouvoir partir à la guerre, pour faire une carrière militaire. On leur avait dit qu'il y aurait un petit domaine en Ukraine, puisqu'il venait de là, de la campagne, ils savaient à peu près, ils avaient un magasin d'engrais, donc pour lui, à un certain moment ici, le Reich, voilà, ça va être un truc super, avec des esclaves un peu partout. Je sais pas, il l'avait pas vu comme ça, mais c'était ça. Sauf que quand lui est arrivé au front, on est en 1944 et au fond la guerre est finie. Hein. Et comme Werner, il aura le grand retour. Mon père en 45, pendant 10 ans, il ne saura pas ce qu'il va faire avec sa vie. Lui, il avait fait un vrai chemin, à mon avis, sur lui-même. Il était devenu, pacifiste dans l'âme, quoi. Mais pour ces gens-là, qui sont faits embrigadés, qui savent un peu, ils ont toujours eu aussi la suspicion et la méfiance de leur enfant. Ça, ils le savent aussi. Ça, je pense que c'est une des grandes blessures de cette génération-là, quoi. Un peu plus le personnage de la pièce, je pense. Lui, il ne sait pas encore ce qui va lui arriver. Il parle de son fils qui va avoir 25 ans en 1965. Donc, quelques années plus tard, il y a mai 68... C'est un Banda Bader, c'est cette génération-là. Donc nous, c'est 10 ans plus tard, mais il y a toujours une méfiance envers les pères. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre? C'est là, quand même la question. Aujourd'hui encore, il y a plein de films français sur cette époque-là qui se tournent du coup en Roumanie avec des acteurs roumains et hongrois et je ne sais pas quoi. Et on fait du redoublage. Donc il faut doubler derrière avec des vrais Allemands. Ce qui est rigolo. Alors du coup, les textes, ils sont toujours les mêmes. Donc du coup, ouais, bizarrement, je gagne toujours une partie de ma vie avec la guerre de mon père. Mais pour moi, c'est pas vraiment lourd. Parce que ça fait partie de ma vie depuis tout petit. C'était vraiment inscrit dans les manuels scolaires. C'était vraiment une période qui a été travaillée à l'école quasiment dans toutes les matières. Pourquoi riez-vous ? Je ris parce que vous n'avez pas de chance. Non, vraiment, vous n'avez pas de chance. Vous arrivez à Athènes pour passer vos vacances, content de vous, content de la vie, tiens. Voilà une femme avec qui on pourrait lier conversation, justement. Elle a un de mes livres à la main, voilà, qui va faciliter l'entrée en matière. Il faut que cette femme soit une Française, une rescapée d'Auschwitz, et par-dessus le marché, son mari a été fusillé par les Allemands. Non, on tombe plus ou moins bien quand on cherche fortune. À ce point-là, incroyable. On n'y croirait pas au théâtre. Moi, ma famille a été spoliée, puisque mes grands-parents, qui sont les grands-parents d'Olga aussi, sont arrivés dans les années 30, étaient des tricoteurs, donc sont arrivés à Paris et ont fait leur métier. Ils avaient des machines, et ils avaient un atelier de confection. Tout ça a été spolié pendant la guerre. Mais donc, quand on parle de commission de restitution suite aux spoliations, ça réveille dans l'esprit qu'il y a eu des spoliations, et ça crée un vrai moment de sidération. Moi, dans mon mouvement psychique, je sens que c'est... Je me dis, ah mais c'est vrai alors. C'est-à-dire que l'esprit humain, je pense que je ne parle pas que pour moi, on se débrouille toujours pour oublier que c'est vrai, toute cette affaire. Elle est tellement impensable, et justement on fait l'effort de la pensée. Le théâtre aide à la pensée, l'écriture, la création, voilà, ça aide à penser ça. C'est aussi ça qui est très beau chez Charlotte Delbault, c'est-à-dire qu'elle est très cash dans sa manière de dire « Pourquoi j'aurais pas le droit de parler de ça ? C'est quoi cette histoire de... » Enfin, elle dit même pas c'est quoi cette histoire de « Il faudrait pas écrire là-dessus », elle dit « Je l'ai vécu, j'écris dessus... » Elle veut faire œuvre, et sa matière, c'est ça, c'est sa vie, donc elle en parle. Mais nous maintenant, en tout cas moi maintenant, troisième génération, pour vivre, on est aussi dans des mouvements de « ça n'a pas eu lieu », parce que c'est néantisant. S'il y a un truc de « si ça a eu lieu », ça veut dire on a voulu... alors on le prend pour soi, évidemment, puisque ça a été des gens de sa famille. On a voulu me supprimer. Il y a une dimension d'effacement à laquelle je suis très sensible. La nuit s'avance. Il commence à faire un peu frais. Voulez-vous que nous rentrions ? Il est tard. Il faut que je m'en aille. Êtes-vous à Athènes pour quelque temps ? Nous nous reverrons, n'est-ce pas ? Il faut que nous nous revoyions. Me permettriez-vous de vous amener déjeuner ou dîner demain au Daphnos ou au Cap Sognon ? Je pars demain. Demain ? Pourquoi si vite ? Mes vacances sont finies, je dois rentrer. Mais nous nous reverrons. Nous nous reverrons, n'est-ce pas ? Ne répondez pas tout de suite. Il serait si doux de croire, d'espérer, d'avoir quelque chose à attendre. Il y a si longtemps que je n'attends plus rien. Vous cherchez Hilde ? Je me réfugiais dans le souvenir de Hilde. Au vrai, je ne cherchais plus rien. Je vous rencontre. Si une femme pouvait compter pour une autre femme, comme ce serait simple. Ne dites pas compter. Ne faites pas cette comptabilité. Qu'une femme vienne après une autre femme, un homme après un autre homme, dans le cœur de celui ou de celle qu'il a aimé, n'est-ce pas ce qui se passe dans la vie ? N'est-ce pas ainsi la vie ? Personne ne remplace personne. Je ne sais plus quel est cet écrit très beau de Charlotte Delbault, qui m'a beaucoup servi pour la mise en scène, pour parler aux comédiennes notamment, qui incarnaient Françoise, où elle disait que la mémoire d'Auschwitz était à côté, était dans une peau de la mémoire. Et donc, ça, c'était à côté d'elle et elle en était complètement protégée, effectivement, et que ça ne l'atteignait pas. C'est comme si c'était un à côté, ailleurs. Mais que parfois, cette peau cédait et qu'elle était complètement envahie de nouveau et qu'elle était là-bas. Et je sais pas, on a l'impression quand on lit les biographies que des paroles de ses amis très proches disaient que ça durait quelques jours, quelques semaines, voire plus. Enfin, où elle était, elle ne vivait plus, elle était comme un animal blessé et la vie n'était plus possible. Elle se terrait chez elle. Donc voilà, je pense qu'elle en payait le prix régulièrement. Je n'oublie pas et en même temps j'oublie. Alors, je n'ai pas de mérite à pardonner puisque j'oublie. Mais en même temps, je n'oublie pas parce que c'est quelque chose qui ne me fait plus mal. C'est la plaie sur laquelle on appuie, mais qui ne fait plus mal. Mais c'est tout de même la plaie, elle est là. Et si vous voulez que je vous raconte par le menu tout ce qui est arrivé, je peux le faire sans une défaillance de mémoire. Seulement, je ne sais plus si c'est moi ou quelqu'un d'autre. Je ne sens plus que c'est moi. Merci à Boris Hirschbaum, Olga Grimbert, Rainer Sievert, Lou Vrenich-Laroche et Gabriel Pérez. Prise de son, Christophe Papon. Mixage, Éric Boisset. En scène avec Charlotte Delbo, Ceux qui avaient choisi, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Anne Fleury. Voilà, si vous voulez voir le spectacle de Boris Hirschbaum et de sa troupe, donc Ceux qui avaient choisi, d'après Charlotte Delbo, n'hésitez pas le mois prochain, le 15 et le 16 décembre, à vous rendre au Lavoir moderne parisien, où ce spectacle sera donné. Demain, nous continuons notre série sur 1967, en nous intéressant non pas à une pièce de théâtre, mais à un film, Loin du Vietnam.